Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur France Culture où nous continuons à parler de crise financière, mais cette fois-ci en littérature, avec une série diffusée une première fois à la fin août 2018. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est question de flux financiers, de banqueroute simulée et d'argent en quantité déraisonnable cette semaine dans la compagnie. Puisque nous avons parlé hier pour entamer cette série sur les crises financières du livre de Balzac, La Maison Nucingen, un roman à la forme étonnante dont les dialogues, par leur rapidité, donnent une idée de la vitesse des échanges en bourse au début du 19e siècle. Et oui, déjà, Alexandre Perrault nous a expliqué tout cela dans une émission à retrouver en podcast. Demain, c'est de la grosse galette, The Big Money en anglais, roman de John Dos Passos dont il sera question. Cette grosse galette que se partagent les Ford, les Hearst et les autres milliardaires américains du début du XXe siècle. Philippe Roger nous expliquera tout cela. Et puis jeudi, nous nous pencherons sur la crise de 29 aux États-Unis toujours et sur ses conséquences pour les paysans américains à travers Les raisins de la colère de John Steinbeck dont nous parlera Marie-Christine Lemardelet. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour faire un tour dans le palais Brongniart du temps de Zola, cette fois, nous sommes en compagnie de Christophe Reffet, qui a édité son roman L'Argent en 2009 dans la collection de poche GF Flammarion, tout comme il l'avait fait pour La Bête humaine chez le même éditeur, ainsi que pour Thérèse Raquin et Germinal, cette fois chez Larousse. Et pour commencer, un extrait présentant Saccard, le personnage principal de L'Argent, tout entier à son désir de se hisser au sommet d'une montagne d'or, gagner par le biais de la spéculation boursière. C'était le serment d'une lutte sans merci. Il ne quitterait pas la France, il braverait son frère, il jouerait la partie suprême, une bataille de terrible audace qui lui mettrait Paris sous les talons ou qui le jetterait au ruisseau, les reins cassés. Jusqu'à la fermeture, Saccard s'entêta, debout à son poste d'observation et de menace. Il regarda le péristyle se vider, les marches se couvrir de la lente débandade de tout ce monde échauffé et là. Autour de lui, l'encombrement du pavé et des trottoirs continuait, un flot ininterrompu de gens, l'éternelle foule à exploiter, les actionnaires de demain, qui ne pouvaient passer devant cette grande loterie de la spéculation sans tourner la tête, dans le désir et la crainte de ce qui se faisait là. Ce mystère des opérations financières, d'autant plus attirant pour les cervelles françaises que très peu d'entre elles le pénètrent. Bonjour Christophe Reffet. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vient d'entendre un extrait de la fin du premier chapitre de L'Argent, lu par Laurence Millet, où l'on sent bien que la bourse pour Zola, c'est aussi le lieu d'une bataille virile, d'un assaut, d'une lutte sans merci. On est chez Zola, quand on parle de la bourse, dans l'univers des mâles alpha entre eux, c'est ça ? Et on peut le dire en quelque sorte à la fin de ce premier chapitre, puisque ce premier chapitre c'est celui d'une sorte de déclaration de guerre entre le personnage principal, Saccard, et celui qui va devenir son ennemi principal, Gundermann. Et il est vrai qu'il y a beaucoup de détails dans ce roman qui exalte la virilité du personnage de Saccard. Je ne sais pas si c'est le lieu d'en parler tout de suite pour et lancer pourquoi l'émission. Pas. Allons-y. Pourquoi pas. Mais on a coutume de dire que l'argent de Zola, et je le présente d'une manière presque publicitaire, c'est le roman qui contient la scène de sexe la plus chaude de toute l'histoire des Rougon-Macquart, c'est-à-dire cette grande scène symbolique du chapitre 7, scène à propos de laquelle Anatole France disait « si ça n'était pas symbolique et si ça n'était pas sublime, film, ça serait franchement inconvenant. Oui. Et cette scène, pour dire les choses clairement, c'est une spectaculaire scène de fellation du spéculateur Saccard par une joueuse invétérée, la baronne Sandorf, qui le poursuit de ses assiduités pour avoir des renseignements, des informations sur les cours de la bourse. Mais je crois que c'est pas d'ailleurs le seul endroit où il est question de sexe dans ce roman. Au final, Saccard, c'est l'homme qui est l'homme de la monstrueuse érection, dites-vous, dans votre présentation du roman chez Garnier Flammarion. On ne peut pas dissocier la libido de cette thématique de la bourse et de cette thématique de l'argent. Oui, c'est Jacques Noiret qui insistait beaucoup sur le fait que le personnage de Saccard apparaît dans la bataille de bourse du chapitre 10 comme une sorte de membre viril turgescent et que la description zolienne est complètement claire sur ce point. Mais je crois que d'une manière générale, ça nous rappelle quelque chose d'extrêmement simple, c'est que l'argent est un roman sur le désir. C'est un roman du désir, en effet, on peut le définir comme ça. De toute façon, écrire sur le désir, écrire sur la libido, c'est quelque chose qui est à la source même du projet des Rougon-Macquart chez Émile Zola. C'est quelque chose qu'il écrit noir sur blanc dans ses notes, dans ses manuscrits originels de 1868-1869. Il a pour projet de peindre en fait la bousculade des ambitions et des appétits. Et sous le terme appétit, il faut ranger toutes les formes possibles et imaginables du désir. Est-ce qu'on peut étendre ça à d'autres romans, finalement, de la bourse et de l'argent du 19e siècle? Est-ce que c'est toujours en creux parler de la libido que d'évoquer ces milieux où on brasse des milliards? Oui, on peut le dire que effectivement les romans qui parlent de la bourse au 19e siècle, et on en a en fait oublié la plupart aujourd'hui, ce sont surtout des romans populaires. La plupart de ces romans décrivent effectivement un désir intempérant. Je crois qu'il y a néanmoins quelque chose d'extrêmement singulier chez Zola, c'est que vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'en définitive l'argent c'est pas une mise en scène de deux mâles alpha qui se battent l'un contre l'autre, le banquier juif Gundermann et le banquier Saccard qui fait de lui-même une sorte de héros de la banque catholique? Et en fait, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que la chose n'est pas si sûre du côté de Gundermann, dont la virilité est effacée, justement, dont on souligne que c'est un homme sans désir. C'est un homme rationnel et sans désir, et c'est pour ça qu'il va gagner. Mm-hmm. Souligne le roman, et souligne le héros Saccard lui-même, qui reconnaît qu'il a, lui, l'exclusivité du désir intempérant, l'exclusivité de la passion. Et je crois qu'en fait, la différence entre l'argent de Zola, du coup, et ces romans contemporains auxquels vous faisiez allusion dans votre question, c'est que les romans contemporains sont très prompts à décrire, au contraire, l'espèce de désir intempérant et scandaleux du banquier volontiers juif dans ces romans qui sont volontiers antisémites. Et Zola prend complètement le contre-pied de cette littérature. C'est une littérature qu'il a lue profondément. Et c'est une littérature dont il se démarque. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Et c'est un projet pour lui de se démarquer justement de ses autres romans dont finalement on ne se souvient plus d'ailleurs. Je ne pense pas que ce soit un projet pour lui. C'est pas une littérature assez puissante pour qu'il en prenne le contre-pied. Je pense que ce dont il prend le contre-pied, c'est du préjugé selon lequel l'argent est mauvais. Alors on reviendra peut-être justement sur ce point. Pour terminer sur la question de l'économie libidinale, il y a un moment intéressant dans le roman, au chapitre 4, quand Saccard démontre à Madame Caroline que sans la luxure, on ne pourrait faire des enfants. Oui. Donc ça signifie qu'au fond, cette libido, elle est nécessaire pour faire tourner la société. Le désir d'argent est nécessaire pour faire en sorte que le progrès advienne, par oui, exemple. C'est une scène absolument centrale, scène du chapitre 4, on est donc dans le premier tiers du roman, et on est en train de constituer cette banque qui s'appellera l'universel dans la fiction, et la scène à laquelle vous faites référence, c'est une scène dans laquelle le personnage de Saccard débat avec Madame Caroline, que nous présenterons sans doute un peu plus tard, il débat avec elle des dispositions du code. Et en fait, elle lui explique que la façon dont s'amorce son affaire est visiblement en fait illégale. Et il répond sur le mode effectivement métaphorique que sans donner toute sa liberté à l'expansion du désir, sans luxure, on ne ferait pas de choses aussi belles que des enfants. Mmh. Et il y a effectivement ici une manière pour Zola, une manière très choquante en définitive, probablement scandaleuse pour les lecteurs de l'époque, de répondre à un argument qui était sous-jacent dans toute la littérature pamphlétaire anti-boursière depuis les années 1850. Cet argument consistait à dire les abus de la spéculation la spéculation ce que en quelque sorte la luxure est à l'amour légal. L'agiotage et l'abus de l'exploitation du crédit comme la débauche et l'abus du plaisir. Exactement. Écrivait Eugène de Mirecourt, dont s'inspirait, je crois, Zola, en tout cas pour la théorie que vous venez d'énoncer. Eugène de Mirecourt est un pamphlétaire réactionnaire qui a eu envie d'écrire en 1858 un pamphlet contre la bourse aussi retentissant que celui que Pierre-Joseph Proudhon avait écrit en 1857. Et Eugène de Mirecourt écrit en définitive une œuvre assez faible, hein, dans laquelle il multiplie les effets de manche. Et parmi ces effets de manche, il y a cette métaphore que vous avez indiquée, cette analogie en fait, que Zola va complètement subvertir en définitive. Il la retourne en disant « oui, mais sans la luxure, sans l'expansion du désir, sans la débauche à la limite, on ne produit rien ». Alors pourquoi c'est choquant ? Parce que c'est une manière de dire que c'est en libérant les désirs et même aux dépens de la loi et contre la loi que l'on peut produire quoi que ce soit. Mmh. Et Zola prend donc à son compte cette idée, ou alors est-ce qu'il l'expose sans vraiment la valider lui-même. Alors ça, c'est l'éternel problème de la différence entre discours d'auteur et discours du récit que vous avez déjà soulevé avec Alexandre Perrault hier. Je pense que la position qui est défendue ici, c'est bien celle du spéculateur saccard. Mais ce qui est extrêmement troublant, c'est que probablement, c'est aussi dans ce roman, assez largement, en fait, l'idée défendue par l'auteur Zola lui-même. Compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons du livre L'argent de Zola avec vous, Christophe Reffet. Parlons un petit peu de la place de ce livre dans l'œuvre de Zola. Il faut dire que c'est le 18e volume des Rougon-Macquart. C'est donc, on l'a dit, un roman sur la spéculation boursière et notamment sur les titres d'une banque qui finance sur les côtes libanaises et syriennes une série de projets industriels. Est-ce qu'on peut replacer comme ça un peu rapidement les grands éléments de l'intrigue ? Oui, bien sûr. C'est un roman en 12 chapitres, comme l'œuvre, comme la bête humaine, sauf erreur de ma part. Et la composition est extrêmement équilibrée. Hein. Zola est un bon carcassier, c'est un bon constructeur d'intrigues. L'entrée dans le roman est assez longue. Hein. Il faut à peu près 3 ou 4 chapitres pour monter une banque qui s'appellera l'Universel et qui se constitue comme société anonyme ayant pour objectif, en fait, un objectif industriel qui est pluriel, hein, mais qui est principalement d'établir un réseau de chemin de fer au Proche-Orient, qui est aussi de syndiquer des compagnies maritimes méditerranéennes qui se tuent par la concurrence. Il y a plusieurs objectifs industriels comme ça qui sont rappelés dans le roman. Et puis, précision de Zola qu'on retrouve ici. Énorme précision de Zola, bon, roman complètement appuyé sur la culture saint-simonienne de Zola, probablement sur ses lectures des saint-simoniens, et puis roman aussi inspiré par une actualité dont on parlera peut-être, qui est le krach de l'Union Générale en 1882, banque catholique qui s'était élevée contre la haute banque qu'elle estimait tenue par les juifs, et cette Union Générale en 1882 avec comme projet, un projet que finalement Zola caricature caricature en expliquant que l'objectif caché de la banque de Saqqare est de constituer presque une sorte de trésor du Saint-Sépulcre au pape et de rétablir le pape dans toute sa magnificence en lui procurant en quelque sorte un trésor catholique. Donc il y a un objectif industriel et puis il y a un objectif symbolique et religieux qui est complètement tu, qui est laissé dans une sorte d'éloignement, mais qui est la motivation principale de l'actionnariat absolument réactionnaire et catholique qui que draine en fait l'Union Générale dans la réalité et l'Universel dans le roman. Bon, il faut à peu près 3 ou 4 chapitres pour que cette banque se mette en place. Mais son directeur, Aristide Saqqare, personnage bien connu des Rougon-Macquart, son directeur, en fait, force le développement de cette banque, procède à 3 augmentations successives de capital pour que cette banque prenne plus de place sur le marché. Comme dans la réalité, c'est arrivé pour cette banque de Lyon, l'Union Générale. L'Union Générale de Jeanne Bontou, effectivement, a procédé aussi par augmentation de capital, devenir plus importante, augmenter sa capitalisation, donner l'impression que le titre était un titre extrêmement prometteur, attirer les épargnants, etc. Attirer les petits capitalistes. Et évidemment, ce qui doit se passer se passe, c'est-à-dire que la surchauffe en fait de la bourse, la valeur fausse atteinte par le titre de l'Universel au chapitre 10, cause l'effondrement de cette banque et d'autres petites banques périphériques, ainsi qu'une ruine d'un certain nombre d'actionnaires. Donc voilà, l'action se présente comme ça en accent circonflexe, hein, une longue progression, un premier succès, c'est un délit d'initié orchestré par le personnage de Saqqare au chapitre 6. Le chapitre 8, c'est vraiment celui de l'apogée. Le chapitre 9, c'est un chapitre ambivalent dont on pourra reparler. Le chapitre 10, c'est celui de la chute. Et ensuite, vous avez 2 chapitres pour solder, en quelque sorte, les comptes. Tout ça est très bien construit, extrêmement équilibré. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'en définitive, la structure de ces 12 chapitres, elle suit à peu près exactement la structure du capital même de la banque. Vous pourriez suivre cette action sur du papier millimétré, en quelque sorte. Oui, parce que c'est pas facile d'écrire, et on l'a déjà dit hier, un roman sur l'argent, sur la finance, c'est pas toujours quelque chose de très parlant pour les lecteurs. Donc il choisit cette structure, en effet, extrêmement charpentée, pour incarner finalement des idées qui, on va le voir, sont des idées d'ordre plus général. Et notamment, il y a l'idée de l'éternel retour de la crise. Je voudrais là-dessus vous faire écouter un extrait du livre L'Argent, lu ici par Laurence Millet. Madame Caroline leva les yeux. Elle était arrivée sur la place et elle vit devant elle la bourse. Le crépuscule tombait, le ciel d'hiver chargé de brume mettait derrière le monument comme une fumée d'incendie, une nuée d'un rouge sombre qu'on aurait cru faite des flammes et des poussières d'une ville prise d'assaut. Et la bourse, grise et morne, se détachait dans la mélancolie de la catastrophe qui, depuis un mois, la laissait déserte, ouverte aux 4 vents du ciel, pareille à une halle qu'une disette a vidée. C'était l'épidémie fatale, périodique, dont les ravages balaient le marché tous les 10 à 15 ans, les vendredis noirs, ainsi qu'on les nomme, semant le sol de décombres. Il faut des années pour que la confiance renaisse, pour que les grandes maisons de banque se reconstruisent, jusqu'au jour où la passion du jeu, ravivée peu à peu, flambant et recommençant l'aventure, amène une nouvelle crise et fondre tout dans un nouveau désastre. Mais cette fois, derrière cette fumée rousse de l'horizon, dans les lointains troubles de la ville, il y avait comme un grand craquement sourd, la fin prochaine d'un monde. Compagnie des auteurs sur France Culture, qu'avez-vous envie de dire après avoir entendu cet extrait, Christophe Rosset ? Cette illustration à la fin du chapitre 11 de l'argent, du fait que les crises financières ont un caractère cyclique, elle est extrêmement importante, je crois, dans l'histoire de la pensée et dans la pensée de la littérature sur la finance au 19e siècle. Le théoricien de la périodicité des crises, c'est au 19e siècle, un Français, c'est Clément Juglard, qui a écrit en 1862 un livre sur le fait que les crises commerciales, en fait, reviennent. Il estime qu'il y a une périodicité approximative, mais qui n'est pas tout à fait établi, donc ils préfèrent parler de récurrence, en fait. Environ tous les 10 ans, c'est pour ça qu'on, peut-être qu'il faut qu'on s'inquiète, parce que environ tous les 10 ans, il faut qu'on s'inquiète. Parler des 10 ans de la crise des subprimes. France Culture a absolument raison de commémorer le 10e anniversaire de la crise de 2008. Il faut qu'on s'inquiète. Schumpeter, en célébrant l'économiste Clément Juglar, avait tendance lui aussi à schématiser en disant que ce qui était génial chez Juglar, c'est qu'il avait défini une forme de périodicité fixe. En fait, c'est plus compliqué que ça. À aucun moment Juglar ne le fait. Il dit simplement, les crises sont périodiques, elles reviennent. Mm-hmm. Et elles ont, par nature, elles doivent revenir. Et on voit très bien que pour certains, pour les lecteurs marxistes, ça sera effectivement une loi d'airain du capitalisme, que en fait, il est toujours soumis à des mouvements d'expansion et ensuite de rétraction du crédit. Ce que je trouve intéressant chez quelqu'un comme Juglar, qui a écrit son livre sur les crises commerciales en 1862, qui en a livré une deuxième édition en 1889, hein, c'est-à-dire vraiment là, quelques mois avant que Zola se mette au travail, ce qui est intéressant, c'est que Clément Juglar, il analyse la vie économique dans les mêmes termes que ceux des médecins, en quelque sorte. Il estime que les sociétés présentent un certain nombre de prédispositions pour les crises. Il inventorie les symptômes de ces périodes qui préparent la crise. Il y a toute une méditation complètement médicale sur le fait que la crise est endogène, qu'elle appartient à la physiologie des sociétés. Clément Juglar, c'est un grand lecteur de l'introduction à la médecine expérimentale de Claude Bernard. Mmh. Tout comme Zola, vraisemblablement. Tout comme Zola, c'est-à-dire qu'en fait, ces deux hommes, mais Zola n'a jamais lu Juglar, hein, je pense qu'il a lu quelques analyses de Juglar qu'il a dû trouver dans des manuels de sciences économiques au début des années 1880, en particulier le manuel économique de son ami Yves Guyot. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en définitive, voilà, ils ont tous les deux le même socle épistémologique. Ce sont des gens qui analysent la vie sociale et économique dans des termes qui sont ceux de la physiologie, de la médecine. D'où cette idée, cette sensibilité à la question de la récurrence des crises. Les crises sont récurrentes dans l'économie, tout comme elles sont récurrentes chez certains personnages de Zola, cette fois-ci au sens pathologique du terme. Mmh. Alors, on parlait tout à l'heure du roman lui-même, un petit peu de sa construction, de son intrigue, et puis je disais qu'on allait parler aussi de la façon dont on pouvait le replacer dans l'œuvre de Zola lui-même. On l'a pas encore fait. Quelle est son importance? C'est un roman qui est un roman somme, qui, par bien des aspects, résume un certain nombre des idées et des pratiques de Zola. Oui. En quoi, Christophe Refait? Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un roman de la fin des Rougon-Macquart. C'est le 18e roman sur 20. Il est suivi du roman qui s'appelle La débâcle et qui raconte donc la guerre franco-prussienne, et qui est un roman dont on a coutume de dire qu'il décrit en quelque sorte l'achèvement historique du cycle des Rougon-Macquart. Et La débâcle est suivi du roman qui s'appelle Le docteur Pascal, dont on a coutume de dire que c'est cette fois-ci en quelque sorte la conclusion théorique des Rougon-Macquart, celle dans laquelle Zola revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire son physiologisme en définitive. Donc du coup, ce 18e volume des Rougon-Macquart, L'argent, c'est le dernier roman, c'est la dernière monographie de milieu des Rougon-Macquart. C'est le dernier roman à la mode de ce que Zola fait depuis sans doute La Curée et Le Ventre de Paris. Et puis c'est aussi un de ces romans dans lesquels il est obligé d'empiler les thèmes. Tout ce qu'il n'a pas traité ailleurs, il doit le faire ici. Il s'était promis de faire un roman sur le journalisme, il y aura donc une part sur le journalisme dans L'argent. Mais cette part, il va avoir tendance à la minimiser, parce qu'on a coutume de dire qu'il a probablement été gêné par Bellamy, l'apparition de Bellamy de Maupassant en 85, que ça a probablement un peu érodé son projet d'un roman sur le journalisme. Il avait prévu de faire un roman sur la finance, ça sera donc la bourse. Il avait prévu aussi de faire un deuxième roman politique sur la période libérale de l'Empire à partir de 1864, et c'est ce qu'est censé être ce roman aussi. Donc c'est un peu caractéristique, vous voyez, c'est un peu comme La Bête humaine, c'est à la fois roman de la magistrature, roman des chemins de fer, roman du crime, c'est un peu ces romans de la fin des Rougon-Macquart où Zola, qui avait planifié en quelque sorte ses œuvres, qui avait ses fiches thématiques, etc., est obligé un peu d'empiler les sujets. Oui. Et puis il y a aussi donc le contexte historique, on a parlé de l'Union générale, oui. Il y a aussi une affaire, l'affaire Mirès. Vous pouvez peut-être nous raconter un petit peu qui était ce Jules Isaac Mirès, un important financier du début du Second Empire, oui. Et qui fait partie aussi un peu de la galaxie qui a inspiré Zola pour son livre L'Argent. Probablement, mais finalement pas tant que ça. Hein. Il y a plusieurs affaires qui influencent Zola. Alors il dit qu'effectivement qu'il est intéressé par la personnalité de Jules Mirès parce que on a commencé une émission sur la question de la libido, parce que des histoires croustillantes couraient sur ce spéculateur bordelais qui est, par exemple, l'homme qui a aménagé le port de la Joliette à Marseille, hein, un grand fort de spéculation. Donc le personnage de Jules Mirès, je pense, est une sorte de représentant de cette spéculation un peu folle du début du Second Empire jusqu'à la crise de 1857, dont il a été en quelque sorte l'un des boucs émissaires. Mmh. Bon, ça n'est qu'une des affaires qui ont marqué Zola. Je pense que Zola a été aussi très intéressé par la rivalité entre les frères Pereire et Rothschild dans les années 1860 autour de la banque Le Crédit Mobilier. Et puis, je crois que la carcasse du roman, elle doit beaucoup au krach de l'Union Générale. Donc les Rothschild, finalement, sont présents depuis Balzac dans tous les romans qui parlent de l'argent. Oui. Alors, je sais qu'Alexandre Perrault a été très prudent hier. C'est vrai que Nucingen a souvent été rabattu sur James de Rothschild, mais enfin, Alexandre Perrault nous a bien expliqué que c'était pas seulement James de Rothschild qui avait du Lafitte, qui avait du Fould, etc. Je crois que Saccard est aussi une créature composite. Je crois que Gundermann n'est pas simplement James de Rothschild, que ce n'est pas non plus tout à fait son fils Alphonse. Enfin, il y a quelque chose d'intéressant dans ce roman, et on en reparlera peut-être, qui est que la figure du banquier juif me semble un tout petit peu évidée. On peut en dire un mot maintenant, parce que je ne sais pas si on aura le temps d'y revenir, mais oui, en quoi vous semble-t-elle évidée? Ben, il me semble que ce qu'on disait au début du roman, quand vous disiez en définitive la bourse, ce marché, c'est une espèce de ring pour des mal alpha. Je ne sais pas si on peut tout à fait le dire de Gundermann, d'autant que la profonde originalité du roman de Zola par rapport au petit roman de la bourse de son époque, c'est qu'on n'a pas affaire, à proprement parler dans ce roman, à un duel entre un haussier qui serait Saccard, qui spécule à la hausse sur ses propres titres, les titres de la Banque Universelle, et en face un baissier qui serait Gundermann. Ce qui est très intelligent dans le roman de Zola, c'est que premièrement, le personnage de Gundermann n'apparaît jamais à la bourse. Il n'est pas là avec ses légions, avec ses courtiers, avec ses combattants, etc. On pense qu'il est là, mais tout ça est une réflexion au second degré, c'est une réflexion sur des signes seconds, un peu comme dans la maison du Singen d'ailleurs. Et on suppose que cet homme est orienté à la baisse. Donc le roman, me semble-t-il, en fait, minimise la dimension de face-à-face de ce duel. Saccard est face à quelque chose d'autre qui est peut-être la logique, la vérité des cours, une vérité du marché, quelque chose de plus implacable et de plus invisible que ce personnage un peu caricatural dont les autres romans abusent. Et qu'est-ce que ça signifie alors ? Ça signifie que Zola est extrêmement sensible à ce que c'est qu'un marché, je crois. C'est-à-dire ce que le prix qu'on donne aux choses. Oui, ce que c'est que la résistance d'un marché. Je crois que ce qui est absolument génial, d'une manière générale, dans la littérature romanesque et dans un roman comme L'Argent, et ce qui est infiniment supérieur au discours des économistes, aussi complexe soit-il, hein, sur les anticipations rationnelles, irrationnelles, les effets d'emballement, etc., etc., c'est que, par la grâce du roman, quelqu'un comme Zola arrive à expliquer comment un marché réagit, comment un marché se ment à lui-même, comment un marché s'emballe, comment on peut avoir un comportement extrêmement ambivalent sur un marché qui consiste à continuer à jouer à la hausse alors qu'on sait que tout va s'écrouler. Mmh. Et ça, ce sont des procédés qui ont été décrits admirablement par le mathématicien Benoît Mandelbrot il y a 10 ans lors de la crise de 2008, hein, où Mandelbrot disait, il faisait une espèce d'analyse fractale, hein, des marchés financiers. Il disait finalement ce qui est fou dans les crises, c'est que c'est au moment même où on a le plus confiance, c'est au moment même où on pense que tout va bien marcher, que tout va s'écrouler. C'est à ces moments-là qu'on est le plus proche de la crise. On repartira justement sur cette idée, Christophe Refait, juste après la chronique dans Compagnie des Revues. La Compagnie des Auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. La Compagnie des Auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. En compagnie des revues, avec aujourd'hui Marianne Payot, rédactrice en chef adjointe au service livre du magazine L'Express, qui est notre partenaire. Bonjour Marianne. Bonjour. Vous venez aujourd'hui nous parler d'un des livres de la rentrée, celui d'Amor Towles, intitulé « Un gentleman à Moscou », qui n'est pas sans lien d'ailleurs avec notre thème du jour, qui est l'argent. Nous allons en parler. Oui, l'argent. Quoi de plus volatile, de plus universel que l'argent ? D'un continent à l'autre, d'un siècle à l'autre, il règne et a toujours régné. L'Américain Amor Towles en est bien conscient. Lui qui a, durant plus de 20 ans, brillamment œuvré à Wall Street, temple de la finance internationale. Mais voilà, Amor Towles, 54 ans aujourd'hui, fut aussi un jeune homme qui a poursuivi de brillantes études d'anglais aux universités de Yale et de Stanford. Et c'est ainsi qu'un beau jour, nostalgique de ses vertes années, il a remisé ses tablettes à multiplier les dollars pour s'adonner à la littérature. Bien lui en a pris. Son premier roman, sorti en France en 2012 sous le titre « Les règles du jeu », a connu un succès mondial et mérité. Quant au second, « Un gentleman à Moscou », publié aux États-Unis en 2016, il est resté, excusez du peu, 40 semaines consécutives sur la liste des best-sellers du New York Times, tout en étant salué par les plus grands journaux américains. Donc il se débrouille encore bien avec les chiffres, hein, visiblement. 2 ans plus tard, le voici publié en France, chez Fayard, en cette riche rentrée littéraire. Verdict. Un joyau. Oui, un gentleman à Moscou est un pur joyau d'érudition, d'esprit et d'intelligence, très loin du monde de la bourse. Le livre s'ouvre le 21 juin 1922. Pour avoir commis un poème anti-révolutionnaire, être parti à Paris et en être revenu, le comte Alexandre Ilitch Rostov est condamné par un comité bolchevique. La sentence, une assignation à résidence dans l'hôtel Métropole de Moscou, où ce fils de grande famille vient par ailleurs de séjourner 4 ans. Réclusion à vie donc, avec interdiction formelle de fouler le bitume moscovite. Bon alors, le métropole c'est quand même pas tout à fait le goulag, Marianne, ça devait aller pour lui. Certes, ce n'est pas le goulag, mais en lieu et place de sa belle suite donnant sur le théâtre de Bolchoï, le ci-devant doit se contenter d'une chambre de service nichée au dernier étage de palace Art Nouveau. En gentleman tout en élégance et en retenue, le pétillant Alexandre Rostov prend ses quartiers avec placidité et flegme. N'ayant ni l'esprit revanchard d'Edmond Dantès, ni l'imagination de Cervantes ou de Napoléon, il entame sa nouvelle vie sans le bouleverser d'un iota ses chères habitudes. Petit déjeuner, du café, du biscuit et un fruit dans sa chambrette, déjeuner au piazza, apéritif au bar du chez Alpine, dîner au Boyarski, lecture quotidienne des essais de Montaigne et rendez-vous hebdomadaire chez son barbier. Alors que dans la patrie de Staline, famine, exécution, guerre se précipitent, son excellence, persuadé comme Montaigne que le signe le plus évident de la sagesse est la bonne humeur, perpétue les bonnes manières de sa classe, s'extasiant devant un château Latour 1899 ou la cuisson d'un bar rôti au fenouil. Alors du coup, comment faire pour que ce ne soit pas un roman trop répétitif puisqu'il fait tous les jours à peu près la même chose. C'est un exploit, je vous l'accorde. Il n'est absolument pas répétitif, car vous vous en doutez bien, de nombreux événements vont seconder la réclusion du comte. Féru de culture russe et rompu aux grands hôtels du monde, l'argentier Amor Towles se fait un commentateur avisé de ses folles années communistes et un observateur pertinent des us et coutumes du palace. Et c'est ainsi qu'à l'instar de l'imperturbable comte, le lecteur ne s'ennuie pas une seconde tout au long des 30 années et 600 pages de ce luxueux confinement. Il est vrai que l'homme, le comte, dont l'esprit piquant régale la galerie de joyeuses et brillantes digressions sur la littérature russe, l'homo sovieticus et l'humanité en général, multiplie les rencontres. Il y a là Andrei, le maître d'hôtel, et Émile, le cuisinier, avec lesquels, endossant le tablier de serveur en chef, Alexandre forme bientôt un triumvirat de choc. Il y a aussi Anna, sa maîtresse occasionnelle, starlette de cinéma slave, Nina, une petite ukrainienne dont il élèvera la fille des années plus tard, ou encore Ossip, l'apparatchik éclairé, et enfin Mishka, l'ami poète en délicatesse avec le pouvoir. Autant de personnages délectables, nés de l'imagination fertile et pétrie d'humour, il faut bien le noter, d'Amor Towles. Bref, Amor Towles, ou l'histoire d'une exfiltration réussie de Wall Street. Merci beaucoup. Marianne Payot, vous nous rappelez l'éditeur ? Fayard. Et je voudrais le notifier, c'est extrêmement bien traduit. Ça, il faut le remarquer, par Nathalie Connington, la traduction est un délice absolu. Bon, bien merci beaucoup. On imagine fidèle au texte des départs. Dans les colonnes de l'Express. À très bientôt, Marianne. continuons à parler de l'argent, ce livre d'Émile Zola dans la compagnie des auteurs à l'occasion d'une semaine que France Culture consacre à la crise financière, à partir évidemment de la faillite, c'était il y a 10 ans, de la banque Lehman Brothers. C'est pour repartir dans cette émission, une nouvelle lecture de ce roman, l'argent toujours dans la voix de Laurence Millet. Dans les premiers jours de décembre, le cours de 2700 francs venait d'être atteint, au milieu de l'extraordinaire fièvre dont l'accès maladif continuait à bouleverser la bourse. Le pis était que les nouvelles alarmantes avaient grandi, que la hausse s'enrageait dans un malaise croissant intolérable. Désormais, on annonçait tout haut la catastrophe fatale. Et on montait quand même, on montait sans cesse, par la force obstinée d'un de ces prodigieux engouements qui se refusent à l'évidence. Saccard ne vivait plus que dans la fiction exagérée de son triomphe, entouré comme d'une gloire par cette averse d'or qu'il faisait pleuvoir sur Paris, assez fin cependant pour avoir la sensation du sol miné, crevassé, qui menaçait de s'effondrer sous lui. Aussi, bien qu'à chaque liquidation il restât victorieux, ne décolérait-il pas contre les baissiers dont les pertes déjà devaient être effroyables? Qu'avaient donc ces sales juifs à s'acharner? N'allait-il pas enfin les détruire? Et il s'exaspérait surtout de ce qu'il disait flairer à côté de Gundermann faisant son jeu, d'autres vendeurs, des soldats de l'universel peut-être, des traîtres qui passaient à l'ennemi, ébranlés dans leur foi, ayant la hâte de réaliser. Un jour que Saccard exhalait ainsi son mécontentement devant Madame Caroline, celle-ci crut devoir lui tout dire. Vous savez, mon ami, que j'ai vendu, moi. Je viens de vendre mes dernières 1000 actions au cours de 2700. Il resta anéanti, comme devant la plus noire des trahisons. « Vous avez vendu, vous, mon Dieu !» Elle lui avait pris les mains, elle les lui serrait, vraiment peinée, lui rappelant qu'elle et son frère l'avaient averti. Ce dernier, qui était toujours à Rome, écrivait des lettres pleines d'une mortelle inquiétude sur cette hausse exagérée qu'il ne s'expliquait pas, qu'il fallait enrayer à tout prix, sous peine d'une culbute en plein gouffre. La veille encore, elle en avait reçu une, lui donnant l'ordre formel de vendre. Et elle avait vendu. Alors ça, c'est une bonne illustration, me semble-t-il, Christophe Refait, de la conversation qu'on avait juste avant la chronique, c'est-à-dire le déni face à la catastrophe imminente qu'on ne veut pas voir. Ça rappelle d'ailleurs le fait que les plus hauts gratte-ciels ont toujours été construits au moment où des crises financières allaient se déclencher. C'est le cas par exemple de l'Empire State Building, mais je crois qu'à chaque fois qu'on a battu un record de hauteur, c'était avant un effondrement et un crash boursier. Et ça, Zola, il l'a compris finalement, il l'explique, il l'explicite dans son roman L'Argent, Christophe Refait. Le mot déni est le mot juste, en effet. Je pense qu'il l'a parfaitement compris. Il a parfaitement compris la mécanique de cette espèce de « je sais bien, mais quand même » qui agite en fait les intervenants sur le marché boursier juste avant les catastrophes. Il y a quelque chose d'intéressant dans la lecture que Schumpeter fait de Juglar. C'est que Juglar avait dit quelque chose comme... Bon, l'économie est toujours soumise à une sorte de succession de périodes de prospérité, suivies de crises, suivies de moments de liquidation. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Schumpeter, dans son histoire de la pensée économique, en fait, rappelle les positions de Juglar, dont il a envie de faire l'un des plus grands économistes de tous les temps au XIXe siècle, c'est intéressant, il résume Juglar et sa théorie en disant « le plus grand signe de la crise imminente, c'est la prospérité ». Donc c'est exactement ce que vous dites sur l'Empire State Building et ce record de hauteur. Quel est le banquier qui avait liquidé toutes ses actions avant l'année 1929 parce que il avait croisé quelqu'un qui lui cirait les chaussures, un petit cireur de chaussures qui lui avait dit vous devriez acheter des actions et jouer en bourse. Et là il avait compris qu'en effet c'était aller trop loin et que le succès de la bourse était devenu trop important et qu'il fallait s'en défaire. Alors on peut-être dire un mot de Madame même Caroline qu'on vient d'entendre citer dans cet extrait, et puis parler aussi des divers personnages qui représentent tous un peu plus qu'eux-mêmes, ce qui nous conduira sans doute à la question de l'idéologie, ou plutôt des diverses idéologies qui s'affrontent dans ce roman, L'Argent. Alors Caroline, Madame Caroline, qui est-elle, Christophe Reffay ? Madame Caroline est un personnage intéressant dont Zola a eu l'idée assez tard dans son ébauche. Vous savez que ce qu'on appelle une ébauche, en fait, dans le dossier préparatoire de Zola, c'est l'espèce de brouillon écrit pour lui-même dans lequel il délibère à la première personne sur la façon dont il va organiser son action. Il a besoin de se parler à lui-même. Plus qu'il n'expose en fait son plan à ses amis, il se l'expose à lui-même, il vérifie, et c'est ça que je trouve intéressant dans l'écriture de Zola parce que ça en fait une écriture presque expérimentale, il vérifie au brouillon ce qui peut tenir. Mm-hmm. Bon. Et donc il fait le plan de son drame de bourse, repérant que dans ce drame de bourse qui est censé opposer un banquier catholique et un banquier juif, il manque encore quelque chose d'important, et ce quelque chose d'important, il va finalement le trouver assez tard, ce personnage féminin, Madame Caroline, personnage à laquelle il donne un âge qui en fait en quelque sorte une sage. Il lui donne en fait aussi une certaine intellectualité. C'est quelqu'un qui a fait des études, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a fait des études et elle en est revenue. Zola insiste là-dessus dans son dossier préparatoire. Elle est l'universelle tolérance, elle est le savoir, mais un savoir en fait maîtrisé, domestiqué, et elle est surtout l'espoir, ajoute-t-il. Alors c'est un personnage extrêmement important, parce que je crois que ce personnage éminemment sympathique, elle va être à un moment donné la maîtresse de Saccard, tout en ne cessant jamais en fait de s'émouvoir des imprudences du spéculateur, tout en ne cessant de comptabiliser les infractions au code qui sont faites par la banque l'universelle. Ce personnage éminemment sympathique pour tous les lecteurs. Et je vous le dis, après avoir travaillé ce roman avec des étudiants qui étaient absolument d'avis que c'était en quelque sorte la voix du roman, cette femme sage qui accompagnait le spéculateur intempérant, qui lui rend visite à la fin dans sa prison. Elle, à la fois, elle l'exècre et en même temps, elle ne peut pas s'empêcher de reconnaître sa grandeur et son héroïsme dans son envie de tout recommencer. Ce personnage de Madame Caroline, éminemment sympathique, est le personnage dont nous devrions le plus nous méfier dans cette fiction. Je crois que si cette fiction de Zola, c'était simplement en fait un duel entre deux banquiers pour la prévalence d'une banque sur une autre, ce serait trop simple. Quel était le projet de Zola ? Le projet de Zola, comme il le dit en fait dans son ébauche, c'est l'argent sans l'attaquer, sans le défendre. Et si je résume, ça consiste à dire montrer que l'argent, c'est le levier qui fait tout. J'ai l'impression que vous avez la citation peut-être plus exacte sous les yeux. Alors non, je n'ai pas la citation, mais je vais dans votre sens. En effet, l'argent pour Zola, ce n'est pas forcément autre chose qu'une force nécessaire au progrès. Exactement. Finalement... Ce que permet l'argent, c'est aussi une vie digne, c'est aussi rendre libre celui qui en détient, ne serait-ce qu'un tout petit peu, c'est lui apporter l'hygiène, la propreté, la santé, presque l'intelligence, écrivait donc Zola dans son dossier préparatoire. Dans le troisième paragraphe de son ébauche, c'est-à-dire assez tôt dans l'ébauche, il écrit effectivement ce que vous dites, ne pas opposer ce qu'on appelle notre siècle d'argent à ce qu'on nomme les siècles d'honneur, comme le XVIIe siècle par exemple, ceux d'autrefois, montrer que l'argent est devenu pour beaucoup la dignité de la vie, et ensuite il s'exprime dans les termes que vous avez rappelés, opposer la classe aisée et la classe pauvre, et puis la force irrésistible de l'argent, un levier qui soulève le monde, il n'y a que l'amour et l'argent. Voilà ces termes. Mais ce qui est intéressant, c'est que, du coup, elle est complètement fausse, sa délibération d'avant le roman. Il dit « je vais écrire sur l'argent, sans l'attaquer, sans le défendre, je vais simplement montrer que c'est un levier qui soulève le monde ». Et il veut montrer effectivement, il veut dire cela sous l'angle de la nécessité. Qui va, dans le roman, incarner cette nécessité ? C'est le personnage de Madame Caroline. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, il ne le trouve pas tout de suite. Il ne comprend qu'après un certain moment qu'il va falloir, au milieu de ces mâles alpha, une femme, finalement, pour les révéler. Il va falloir une femme qui soit alternativement séduite et juge. Et il va falloir surtout une femme qui, à la fin du roman, sortant dans la rue... Et ce qui est admirable, c'est qu'en définitive, cette scène de cette femme déambulant dans la rue, Zola l'a eu très très tôt dans son ébauche, hein, dans ses brouillons. Descendre dans la rue, à la fin du roman, une fois toutes les ruines consommées, après le suicide de l'agent de change Mazo, etc. Après la ruine de tous les personnages les plus sympathiques parmi les petits actionnaires, cette femme pénétrée en fait du caractère noir du spéculateur Saccard ne peut pas s'empêcher, au mois d'avril, c'est les dernières lignes du roman, d'être reprise par un invincible sentiment d'espoir. Mm-hmm. Voilà, l'humanité va quand même quelque part, nous sommes dans la boue, mais il y a toujours un espoir. Ce personnage incarne donc exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire la nécessité par laquelle en fait Zola tranche son hésitation entre attaquer l'argent ou défendre l'argent. Madame Caroline, à l'aide d'une forte ficelle, nouait le paquet des plans. Son frère, qui l'attendait à Rome, où tous deux allaient recommencer une existence, lui avait bien recommandé de les emballer avec soin. Et comme elle serrait les nœuds, l'idée lui vint de Saccard qu'elle savait en Hollande, lancer de nouveau dans une affaire colossale, le dessèchement d'immenses marais, un petit royaume conquis sur la mer, grâce à un système compliqué de canaux. Il avait raison, l'argent jusqu'à ce jour était le fumier dans lequel poussait l'humanité de demain. L'argent, empoisonneur et destructeur, devenait le ferment de toute végétation sociale, le terreau nécessaire aux grands travaux qui facilitaient l'existence. Cette fois, voyait-elle clair enfin, son invincible espoir lui venait-il donc de sa croyance à l'utilité de l'effort ? Mon Dieu ! Au-dessus de tant de boue remuée, au-dessus de tant de victimes écrasées, de toute cette abominable souffrance que coûte à l'humanité chaque pas en avant, n'y a-t-il pas un but obscur et lointain, quelque chose de supérieur, de bon, de juste, de définitif, auquel nous allons sans le savoir, et qui nous gonfle le cœur de l'obstiné besoin de vivre et d'espérer ? Et Madame Caroline était gaie malgré tout, avec son visage toujours jeune, sous sa couronne de cheveux blancs, comme si elle se fût rajeunie à chaque avril, dans la vieillesse de la terre. Et au souvenir de la honte que lui causait sa liaison avec Saccard, elle songeait à l'effroyable ordure dont on a également salé l'amour. Pourquoi donc faire porter à l'argent la peine des saletés et des crimes dont il est la cause ? L'amour est-il moins souillé, lui qui crée la vie ? La compagnie des auteurs sur France Culture. Ça, ce sont les dernières lignes de l'argent, Christophe Reffet. Et on voit bien que c'est Madame Caroline qui détient la clé de ce roman. Comme vous l'expliquiez à l'instant, on peut peut-être aller encore un petit peu plus loin avec cette dernière phrase sur l'amour souillé. Il y a évidemment un continuum entre cette thématique de l'argent et cette thématique de l'amour, Christophe Reffet, chez Zola, comme on va le voir, je pense, toute cette semaine, chez la plupart des écrivains qui s'intéressent à l'argent. Oui. Oui, vous parliez d'amour hier à propos de la maison du Singen. Là, la question, c'est, en fait, on est bien d'accord dans l'argent, plutôt celle du désir. Hein, et y compris dans son acception la plus physiologique du terme. Ce que je voulais dire à propos de ces dernières lignes du roman. Le roman se termine donc sur le mot « vie ». Ce pourquoi ces dernières lignes sont extrêmement intéressantes, c'est que bon, on voit très bien que le personnage de Madame Caroline, on est d'accord, il apparaît comme une sorte d'expédient dans le discours du récit. Elle endosse l'idée que malgré tous les désastres, on va quand même quelque part. C'est une idée... dans laquelle se réfugie Zola depuis le début des Rougon-Macquart, en définitive. C'est ça qui est extrêmement troublant chez lui. C'est l'optimisme de Zola ? Eh bien, optimisme. Est-ce que c'est vraiment de l'optimisme ? C'est-à-dire qu'en 1868-1869, le jeune Zola, quand il prévoit sa série des 20 romans qui doivent composer les Rougon-Macquart, enfin, il n'y en a pas encore 20 à cette période-là, il s'interroge sur le progrès, sur la notion même de progrès. Il est beaucoup moins affirmatif, beaucoup moins optimiste, pour le coup, que quelqu'un comme Michelet. Il dit, j'ai l'impression, je pense, je sens que nous allons quelque part. Je suis assez d'accord avec l'idée de perfectibilité à la mode de Condorcet, mais ma conviction est quand même que les hommes sont et resteront des bêtes. Bon. Donc, à partir de là, le programme qu'il s'assigne consiste à mettre en scène les appétits de l'humanité en s'interrogeant sur ce que pourrait être leur résolution, leur fin. C'est pour ça que ce personnage de Madame Caroline est très important dans L'Argent, et c'est pour ça qu'il y a un lien entre L'Argent, ce roman qui finit par le mot « vie », et les romans ultérieurs dans lesquels Zola a essayé de régler ce rapport entre désir ou passion et progrès et bonheur. Finalement, on comprend bien comment on réussit à écrire un très bon roman sur quelque chose d'aussi complexe que la finance et la haute banque, tout simplement parce qu'en réalité, on écrit un roman sur la pulsion, on écrit un roman sur l'amour et profondément sur l'humanité, sur les êtres faillibles qui sont faits du déni permanent de ce qu'ils voient, de ce qui paraît vraiment évident. C'est donc presque un roman psychologique, en fait, que L'Argent, sous des aspects d'un roman purement naturaliste, purement ancré sur les institutions et comment elles fonctionnent. Alors, un roman psychologique, je pense que Zola serait éventuellement content, effectivement, qu'on le lise comme ça. Lui qui a toujours revendiqué l'idée qu'il faisait de la psychologie beaucoup plus que ce que ses détracteurs prétendaient. Hein. Ses détracteurs le renvoient toujours à l'idée que chez lui, c'est la physiologie qui commande, et lui explique que la psychologie est en quelque sorte partout, et que, d'une certaine manière, il fait de la psychologie. Maintenant, quelle psychologie fait-il? On discerne que dans L'Argent, il y a une bonne analyse des effets d'emballement, des effets de mimétisme, des effets effectivement d'adhésion. Je ne sais pas si ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'en définitive, c'est peut-être pas de la psychologie individualisée, c'est de la psychologie des foules, en quelque sorte, comme on a pu en faire dans les années 1890. La psychologie des foules et puis aussi de la politique. Il nous reste plus beaucoup de temps, mais il faudrait quand même parler un petit peu de ce débat idéologique qui est très présent à l'intérieur du roman, incarné par divers personnages. Par exemple, il y a Sigismond, qui est un disciple de Marx, et oui, en effet, le marxisme est bien représenté dans sa théorie à l'intérieur de L'Argent, Christophe Reffay. Oui. Alors, est-ce que c'est vraiment le marxisme qui est représenté? Bon, Zola n'a pas lu Marx. Hein. Zola n'a pas lu une seule page du Capital, je pense. Zola, c'est quelqu'un qui est un lecteur de Digest. Hein. Donc, il a lu un livre d'un certain Scheffel qui s'intitule « Quintessence du socialisme ». Ce qui l'intéresse, c'est moins la théorie elle-même que finalement le fait qu'on en parle au moment où il l'écrit et que c'est une des théories qui sont débattues à cette époque-là. À partir de 1864, à partir de 1884 plutôt, et puis des événements de 1864 qu'il met en scène, par exemple dans Germinal, je pense que Zola est obsédé par la question du socialisme. Hein. Il sent qu'effectivement il faut qu'il prenne position sur ce que c'est que le socialisme, et le personnage de Sigismond a cette fonction dans L'Argent. Mais pour autant, ce qui est intéressant, c'est que ce personnage de Sigismond, il est décrit comme un personnage absolument infertile. Les trois moments du roman où l'on parle de socialisme, ce sont des moments très compartimentés, très clos, comme pour montrer que la solution n'est pas encore là, en définitive. Et je suis pas sûr que dans les romans qui suivent, qui sont les romans utopiques de Zola, que ça soit Travail ou que ce soit Fécondité, par exemple, j'ai pas l'impression qu'on s'oriente vers une solution socialiste, en quelque sorte. Il y a débat. En tout cas, quelqu'un comme Peggy, lecteur de Fécondité, en 1899, il disait, non, je vois pas de socialisme là-dedans. Ça pourrait s'appeler La fortune des Froments, en parlant des personnages de Fécondité, tout comme il y a eu La fortune des Rougons en 1871. Faut rappeler quand même que Marx a vécu à Paris au milieu des années 40, qu'il se trouvait à Paris aussi durant la révolution de 1848. Et ça aussi, ça fait partie quand même du contexte un petit peu global qui explique quand même ce personnage de Sigismond. Tout à l'heure, on a entendu une citation qui finissait sur le fait que cette crise périodique, on pouvait y lire cette fois-ci, fin du chapitre 11, comme la promesse de la fin d'un monde. Bon. De quel monde s'agit-il? On peut se poser la question quand on lit le roman. Il y a deux interprétations possibles de ces lignes de Zola. C'est ou bien c'est la fin du Second Empire, et donc en définitive, il faut comprendre ces lignes à peu près comme le dénouement de Nana, par exemple. C'est-à-dire qu'on nous annonce ici la fin du Second Empire, cette période de spéculation effrénée, ou alors c'est la fin du monde capitaliste. Mmh. Il y a 10 ans, on lisait, certains marxistes ont lu la crise de 2008 comme une sorte de manifestation de l'épuisement du capitalisme. Ça pourrait être aussi la lecture qu'on pourrait faire de cette fin du chapitre 11. Alors il y a Sigismond, un autre personnage qui incarne alors là totalement autre chose, c'est la princesse d'Orviedo dont Sakar est le locataire et qui est une femme fabuleusement enrichie par les spéculations de son mari, mais qui est prête à restituer tout son argent aux déshérités par le biais d'œuvres de charité. C'est donc là l'idée de la charité qui s'oppose à l'idée de justice qui pourrait être celle de Sigismond, celle des socialistes. Oui. Et Zola la met comme ça en contrepoint. Exactement. C'est un roman de toute façon. Zola disait à un moment donné, ça sera probablement le plus bourré de tous mes livres. Mmh. Et il disait pas simplement cela parce qu'il avait été obligé lui-même de se coltiner l'ingénierie financière ou la technique financière pour essayer de la comprendre, ce qui est quelque chose d'atroce, mais c'est qu'il a aussi entrepris de mettre en scène dans ses romans plusieurs définitions de l'argent. Il y a effectivement l'argent des socialistes, comme on disait, et puis il y a ce principe de la charité face au socialisme. C'est encore l'idée que l'argent, c'est ce qu'on en fait finalement. L'argent n'est qu'un moyen, l'argent n'est qu'un levier. Oui, exactement. Mais il se croit obligé donc de jouer de cette espèce de tectonique des usages de l'argent. Et ce personnage de la princesse d'Orviedo qui est présenté au chapitre 2, c'est un personnage extrêmement étrange qui présente une faiblesse sans doute, c'est que sa charité n'est pas inépuisable. Elle est extrêmement fastueuse. Cette restitution en fait du bien des actionnaires antérieurement floué par son mari aux pauvres, cette restitution est tellement fastueuse qu'elle se menace elle-même. Et c'est une charité en fait qui va s'épuiser. Et je crois que c'est intéressant parce que il faut replacer ça dans un contexte où il faut bien voir qu'à cette époque-là, la littérature financière, et en particulier les petits romans populaires, et en particulier les petits romans populaires catholiques que on fait lire aux jeunes filles, ce sont des romans qui mettent en scène évidemment des jeunes filles qui font le bien et qui font la charité pour corriger toutes les impéries de la période. Mmh. Et on dirait que Zola pousse le curseur le plus loin possible. Eh bien, si vous voulez un roman de la charité, je vais vous faire un roman de la charité. Il y aura un roman de la charité à l'intérieur de l'argent. C'est un roman de la charité délirante, fastueuse, dilapidatrice en définitive. Alors, on pourrait terminer sur cette idée d'un Sakar qui est un grand illusionniste, qui est un poète du million. C'est une expression que je reprends de vous. Qu'est-ce que ça veut dire, un poète du million ? Un poète du million, c'est une expression qui se trouve dans le texte. Hein. C'est une expression de Zola. Poète du million, parce que ce que voit très bien Zola, et ce qui, à mon avis, le fascine dans ce roman, c'est qu'il voit très bien que le spéculateur parvient à capter, en fait, l'argent des petits capitalistes en leur faisant des promesses, en leur faisant des contes des mille et une nuits, comme dit plusieurs fois. C'est Scheherazade, Sakar. C'est une sorte de Scheherazade, avec beaucoup de génie en plus, avec ce que je vous disais tout à l'heure sur cette façon de gérer l'horizon Jérusalem, hein, de cette croisade bancaire catholique. Il est évident que Zola a trouvé son intérêt à mettre en scène dans ce personnage la production de fiction elle-même. Mm-hmm. Ça, c'est évident. C'est un roman sur la fiction ? C'est un roman sur la fiction. Pour autant, est-ce que c'est un roman sur la fiction à la mode de Zola ? C'est là que ça devient particulièrement compliqué. Alors pourquoi c'est un roman sur la fiction ? Pourquoi c'est un roman sur la fiction ? Ben parce que, en définitive, le cours boursier atteint par cette banque, c'est un cours largement chauffé, c'est un cours faux qui ne correspond pas aux fondamentaux industriels de cette banque, parce que le personnage de Sakar, par personne interposée, ne cesse de faire des promesses dans ses rapports annuels. Parce que, donc, comme le dit le texte, toujours, la fiction avait habité ses caisses. C'est quelque chose qu'on disait déjà du personnage de Sakar dans le roman La Curée, en 1872, où il apparaît une première fois. Sakar est un littérateur. Sakar est un littérateur, mais est-ce que c'est un littérateur à la mode de Zola, ou est-ce que Zola peut être rabattu sur Sakar ? Non, pas tout à fait. Merci beaucoup, Christophe Refait, de nous avoir éclairé sur les enjeux de ce grand roman de Zola, L'argent, dans le cadre de la semaine thématique que France Culture consacre aux 10 ans de la crise incarnée par la chute de la banque Lehman Brothers. Je rappelle que vous avez édité et présenté ce livre, L'argent, dans la collection GF des éditions Flammarion, comme vous l'avez fait récemment avec La bête humaine, du même Zola. Et pour aller plus loin, on peut conseiller votre article La crise financière actuelle selon les écrivains du 19e siècle. Il a été publié dans la revue Esprit et on peut le retrouver sur le site kern.info. Cette émission a été rendue possible grâce à Laurence Genepin, Laurence Millet, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault et Stéphanie Vélin. Derrière la console, il y avait Alexandre Dang. Merci à eux.